France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, Vinny. Laurent Vallière, 42e rue. Bonjour à tous. Chaque mois, la 42e rue, le quartier de France Musique consacré à la comédie musicale, reçoit un artiste, une personnalité, un auteur qui nous fait partager sa passion pour la comédie musicale et vient avec sa pile de disques. Alors après Luc Plamondon, le mois dernier, j'ai le plaisir de recevoir en direct ce matin un acteur, si j'ose dire, prêt à tout. Il fait la une ce week-end du magazine Le Monde. Du magazine du Monde, on le dit au choix fantaisiste, ambigu, féroce. On dit de lui qu'il flirte souvent avec le mauvais goût, avec un humour bizarre, presque méchant. Il peut aussi bien incarner sur France Inter un médecin réactionnaire dans un canular radiophonique, lancer des blagues, parfois limites, en tant que maître de cérémonie au César ou même au Festival de Cannes, incarner un psychopathe qui viole Isabelle Huppert dans Elle, le dernier film de Paul Verhoeven, un homme qui se bat pour ne pas avoir la garde de ses enfants dans Papa ou Maman, dont la suite sort dans 10 jours, ou tout simplement, si j'ose dire, sous la direction de Eric Cruff, joué dans Roméo et Juliette de Shakespeare à la Comédie Française, dont il est pensionnaire depuis 2012. Bonjour Laurent Lafitte. Bonjour. Alors comme ça, la comédie musicale, c'est un péché mignon ? C'est pas un péché mignon. Non. Ce serait c'est pas un péché mignon. C'est une vraie passion depuis longtemps, qui s'est affinée, qui s'est précisée. J'ai appris à me diriger vers des œuvres de plus en plus complexes, de plus en plus littéraires, de plus en plus théâtrales. J'ai vraiment grandi avec ce répertoire qui est magnifique et qu'on a trop peu la chance de voir ou de monter en France. Alors on commence si vous voulez bien. Ça c'est mon choix par une ouais. Madeleine. Zoom, zoom, zoom, zoom. The world is in a mess. With politics and taxes and people grinding axes, there's no happiness. Zoom, zoom, zoom, zoom. Rhythm, lead your race. The future doesn't fret me if I can only get me someone to slap that bass. Happiness is not a riddle when I'm listening to that big bass. Slap that bass. Oh, I'm still dizzy. Slap that bass. Yeah, the rhythm busy. Zoom, zoom, zoom. Misery gotta go. Slap that bass. Use it like a tonic. Oh, slap that bass. Keep your pedal on it. Zoom, zoom, zoom. And you'll let the honey go flow. Dig, tag, this would be better off if they zoom, zoom, now and then. Slap away your trouble. Learn to zoom, zoom, zoom. Slap that bass. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. We'll be right back. Alors, je vous laisse les annoncer, Laurent Lafitte. Crazy for You. La comédie musicale Crazy for You, d'après George Gershwin, une chanson qui s'intitule Slap That Face avec... That Bass. Slap That Face, ça vous regarde. Ça veut rien dire. Après, oui. On dit que c'est moi qui dis des horreurs, mais en là, plus, c'est vous. En plus, c'est Slap That Bass, en fait, voilà. C'est ça. Pourquoi ? Ça vous rappelle quoi ? Alors, Crazy for You, en fait, c'est un petit peu comme ça que j'ai découvert la comédie musicale. C'est un spectacle au Cours Florent, dans une adaptation d'une pièce de Paul Rodnick qui s'appelle Jeffrey, qu'on avait joué à l'époque avec Guillaume Gallienne, entre autres. Et à un moment, le personnage a une vision de Mère Teresa, et le metteur en scène, Raymond Acquaviva, avait envie que Mère Teresa, d'un coup, se mette à chanter Slap That Bass. Et c'était très drôle. Et c'est comme ça que j'ai découvert plein de chansons qu'il avait réunies dans ce spectacle. Je me suis dit, mais c'est quoi ces trucs? Et j'ai commencé après, du coup, à écouter les œuvres en entier. Et j'ai essayé d'aller les voir dès que je pouvais à Londres. Et c'est comme ça que j'ai découvert la comédie musicale. Et donc, vous l'avez vu, ce spectacle Crazy for You? Oui, je l'ai vu. Cette version-là, d'ailleurs. J'ai vu cette version-là. Oui. Dans les années 90, 92. Voilà. Oui, c'était, je crois, la première que j'ai vue là-bas. Ouais. Et alors, ça vous a fait quoi? Ah, j'ai trouvé ça génial. Je commençais fort quand même parce que Gershwin, je pense que il y a peu de compositeurs aussi géniaux que lui. Et puis j'ai vu l'ampleur que ça pouvait avoir d'avoir autant de monde sur scène avec autant de talent, tout en live, la musique, un orchestre. En plus à l'époque les orchestres étaient vraiment beaucoup plus importants que maintenant, ça a un peu réduit. Et j'étais stupéfait par l'ampleur du spectacle et pas seulement sa taille, par la qualité et les émotions que ça provoquait. Parce que vous racontez que vous avez découvert le théâtre tout simplement chez vous en regardant Au Théâtre ce Soir, oui. Si je me trompe pas. Mmh. Alors, le spectacle musical, vous le découvriez uniquement soudain en allant à l'étranger à Londres, ou vous aviez déjà vu des choses à Paris? J'avais vu des choses à Paris, mais quand j'étais enfant, des choses pour enfants, vous voyez, genre Émilie Jolie ou Chantal Goya, quoi. Mmh. Donc ça, il y avait pas, quand même pas les mêmes qualités. C'est pas la même chose. Non, c'est pas ça. Non, mais vous citez deux choses qui ne sont pas pareilles. Émilie Jolie. C'est pas pareil. Mais Jean-Jacques Debout, il fait des très jolies mélodies, hein, je trouve. Sauf que je crois qu'il y avait pas d'orchestre, c'était en playback, ou je sais pas. Bref, ça avait rien à voir. Mais là, j'étais vraiment gamin, j'avais 5-8 ans. Non, la vraie comédie musicale digne de ce nom, on va dire, c'était Crazy for You. Alors, vous avez choisi, pour continuer, un titre interprété par Bernadette Peters, une chanson qui s'intitule Time Heals Everything. De quoi il s'agit? C'est dans Mac and Mabel, Time Heals Everything, donc avec le temps, tout passe, pour ainsi dire, tout s'efface. Déjà, Bernadette Peters, c'est une de mes interprètes préférées. Je la trouve géniale, je trouve qu'elle a une force dans l'interprétation, dans la voix, elle a cette espèce de voix un peu cassée. Je la trouve très, très, très américaine, dans le bon sens du terme. Et puis Mac and Mabel, j'aime beaucoup cette œuvre qui raconte un peu l'histoire d'un roi du burlesque qui va tomber amoureux d'une de ses actrices qui, elle, va vouloir se diriger vers un cinéma un peu plus intellectuel qui commençait à émerger dans ces années-là. Et c'est beau la différence de ces deux ambitions. Et moi, ça me correspond bien parce que je suis autant attiré par l'entertainment que par les grands textes. Et du coup, j'aime bien cette œuvre. Alors, on écoute Bernadette Peters. C'était en 1996. Je vous ai pas choisi la version originale de 1974, mais lorsqu'elle a été en concert, Bernadette Peters à Carnegie Hall en 96. Fly, autumn, winter. some year. Though it's hell that I'm going through, some Tuesday, Thursday, April, August, autumn, winter, next year, some year. Time heals everything. Bernadette Peters, 96, Mike and Mabel, alors hein. Ah ouais, bah c'est génial parce que c'est une actrice qui chante là. C'est ça que j'adore. C'est que ce sont des actrices et en Angleterre, moi quand j'ai travaillé le chant, on me disait souvent speech quality. On parlait plus de speech quality, la qualité parlée, que du chant. Il fallait rester dans une énergie et dans une intention de langue parlée, même quand on chantait. Et donc, c'est vraiment des chansons qui sont faites pour des acteurs et pour des actrices. Et là, on sent l'interprétation. Et c'est le répertoire de Piaf a disparu. Ça ne se fait plus. Et il y a quasiment que ce répertoire-là qui autorise autant d'interprétations et autant de grandiloquence dans les sentiments. Laurent Lafitte, vous n'aimez pas quand vous allez voir une comédie musicale avec des chanteurs d'opéra? Mais je trouve que c'est pas écrit pour des voix lyriques. Sauf certains classiques qui le supportent mieux, comme Oscar Hammerstein ou voilà les comédies des années de 20 à 50, aux années 50. Mais je trouve que c'est mieux quand on ne sent pas la différence entre la voix parlée et la voix chantée. Quand il y a une cassure entre les deux, on est ailleurs. Et ce qui est beau dans la comédie musicale, c'est que d'un coup les gens se mettent à chanter comme s'ils parlaient et la voix reste la même. Alors vous avez choisi une autre actrice dont on ne pouvait pas imaginer forcément qu'elle savait chanter, c'est Glenn Close. Mm-hmm. Un extrait de Sunset Boulevard, l'adaptation du film de Billy Wilder, Le Boulevard du Crépuscule, ouais, en comédie musicale. Pourquoi ce choix? Parce que déjà, je trouve que c'était impossible à adapter, Sunset Boulevard, à la base. Le film est tellement dément. Mm. Et je trouve que André Weber, j'aime pas tout ce qu'il fait, mais là, je trouve vraiment que c'est une de ses plus belles compositions. Je trouve ça très, très beau. Et c'est du matériau pour acteur, là, en l'occurrence actrice. Et c'est beau de pouvoir interpréter autant les choses. Et c'est drôle parce que ça parle encore du métier d'acteur, ce spectacle-là. Oui, de façon, souvent, la comédie musicale aime bien parler de ce métier-là, ouais, souvent, ouais. Glenn Close, Sunset Boulevard, With One Look. With one look, I can break your heart. With one look, I play every part. Can make your sad heart sing. With one look, you'll know all you need to know. With one smile, I'm the girl next door. For the love that you've hungered for. When I speak, it's with my soul. Any role, no words, can tell the stories my eyes tell. Watch me when I frown. You can't write that down. You know I'm right. It's there in black and white. When I look your way, you'll hear what I say. Yes, with one look I put words to shame. Just one look sets the screen aflame. Silent music starts to play. One tear in my eye makes the whole world a cry. But with one look, they'll forgive the past. They'll rejoice I've returned at last to my people in the dark. There in the dark. Silent music starts to play. With one look, you'll know all you need. I'm staying for good. I'll be back where I was born to be. With one look, I'll be mad. Glenn Close dans le rôle de Norma Desmond dans l'adaptation en comédie musicale de Boulevard du Crépuscule. Pourquoi vous... Non, je ris parce qu'il y a toujours cette note à la fin, with one look, I'll be me. Et elles disent toutes, I'll be me, parce que je pense que ça doit être compliqué de faire un i sur une note pareille, surtout la dernière. Et la version d'Ellen Page aussi, elle, c'est encore pire, elle fait vraiment May, on dirait qu'elle dit le mois de mai. Mais non, elle est très belle cette chanson, with one look. C'est beau de voilà cette actrice qui repense à ce qu'elle arrivait à faire avec un seul regard dans le cinéma muet. Laurent Lafitte, vous l'avez vu à Sunset Boulevard ? Oui, je l'ai vu à New York avec Ellen Page il y a très longtemps et j'ai vu la version concert avec Glenn Close l'année dernière. Et alors, c'était un de vos spectacles préférés ? Ouais, je trouve ça très très très très beau quoi. Ouais ouais. Et puis j'aime bien la grandiloquence des orchestrations. On n'a pas peur d'être à fond dans la grandeur comme ça. Et pour un personnage aussi démesuré, c'est ce qu'il fallait. Mais vous avez vu combien de comédies musicales dans votre vie, Laurent Lafitte ? Oh, j'en sais rien. Je pense que je sais pas. J'en ai vu plein. Ouais, j'en ai vu plein. C'est-à-dire ? Ah, mais je sais 10, pas. 10, 20, 30, 40, 50, 100 ? J'ai dû en voir une centaine. Ah oui ? Non, mais je sais pas, mais j'en ai vu énormément. Ouais. Ouais. Non, j'en ai vu beaucoup. Ouais. Ben, quand j'ai vécu à Londres, j'y allais tout le temps, quoi. J'y allais vraiment tout le temps. Donc, non, j'en ai vu beaucoup. Après, il y a certaines que je serais allé voir il y a 10, 15 ans que j'irai plus voir maintenant parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont un peu des recettes ou quand musicalement ça ressemble plus à l'Eurovision qu'à du théâtre. Ça m'intéresse moins, quoi. Je suis pas un dingue des jukebox musicals, quoi, comme Mamma Mia ou We'll Rock You, tout ça. J'aime bien quand ça reste du théâtre et quand les mélodies sont écrites pour une histoire. Quand vous y allez en tant qu'acteur à la recherche de rôle ou vous y allez en tant que spectateur pour prendre du plaisir, hein? Non, alors en tant qu'acteur à la recherche de rôle, je sais qu'en France c'est compliqué, quoi. Et puis il faut surtout que vocalement je puisse assurer. Non, j'y vais en tant que spectateur, mais évidemment je peux pas dissocier le spectateur de l'acteur. Alors, vous avez choisi une comédie musicale que l'on connaît tous en France, qui s'appelle Le Violon sur le Toit, et une chanson qui s'intitule Miracle of Miracle. Ben, tout simplement, donc pourquoi ce choix ? Alors là, c'est vraiment... Violon sur le Toit, on se souvient surtout de Ah si j'étais riche. Mm-hmm. Et je trouve que c'est pas la meilleure chanson du show, du spectacle. Et puis en plus, on a souvent en tête la version d'Yvan Rebroff, qui est un peu... qui est un peu qui est un peu vieilli, ouais, qui est un peu daté. Et celle-là, j'aime beaucoup l'énergie de cette chanson. Mais cette comédie musicale, par exemple, ça faisait partie des spectacles auxquels vous alliez un petit peu en reculant, quoi. Qu'est-ce qui vous faisait peur? J'y suis allé un peu reculant parce que je sais pas, ça me tentait pas tellement. Et puis j'avais cette image justement de d'Ivan Rebroff chantant Ah si j'étais riche, que je devais voir quand j'avais 5-6 ans à la télé. Et donc j'y suis allé. Et encore une fois, c'est vraiment le danger quand on extrait une chanson d'un spectacle, surtout des bonnes comédies musicales d'ailleurs, qui sont vraiment construites pour faire œuvre. Quand on sort une chanson comme ça, ça marche plus, quoi, ça marche moins. Il faut vraiment les recontextualiser. C'est pour ça que c'est du théâtre. C'est parce que ça s'inscrit dans une dramaturgie. Et quand je suis allé voir le spectacle, parce que je me suis dit bon, c'est un classique, il doit y avoir une raison quand même. J'ai beaucoup aimé le spectacle, et j'ai appris à apprécier les chansons parce qu'elles étaient dans l'histoire, elles faisaient avancer l'histoire. Qu'est-ce qui vous a plu dans le spectacle, Avionneau sur le toit? J'aime déjà le sujet, le fait que ça parle d'une communauté. Je trouve ça en même temps très risqué. Et là, c'est fait avec tellement d'intelligence, de sensibilité, d'objectivité. Et je trouve que ce serait une œuvre qui serait très intéressante à remonter en ce moment. Muttle, you were wonderful! No, it was a miracle! It was a miracle! Wonder of wonders, miracle of miracles, God took a Daniel once again. Stood by his side and, miracle of miracles, walked him through the lion's den. Wonder of wonders, miracle of miracles, I was afraid that God would frown. But like he did so long ago in Jericho, God just made a wall fall down. When Moses softened Pharaoh's heart, that was a miracle. When God made the waters of the Red Sea part, that was a miracle too. But of all God's miracles, large and small, the most miraculous one of all is that out of a worthless lump of clay, God has made a man today. Wonder of wonders, miracle of miracles, God took a tailor by the hand, turned him around, and miracle of miracles, led him to the promised land. When David slew Goliath, yes, that was a miracle. When God gave us manna in the wilderness, that was a miracle too. But of all God's miracles, large and small, the most miraculous one of all is the one I thought could never be. God has given you to me. John Cariani, extrait de The King, extrait d'un violon sur le toit, une production en 2004 à Broadway, que vous avez vu, je crois, avec vous m'aviez dit que vous avez vu un acteur principal, Harvey Fierstein, qui n'était pas vraiment le meilleur pour jouer le laitier, premier rôle. Moi, j'adore Harvey Fierstein, je trouve absolument génial, que ce soit Torchon Trilogy ou l'adaptation qu'il a faite de la Cage aux Folles, enfin, c'est génial ce qu'il a fait. Mais là, sa voix était très fatiguée, quoi. Il a une voix vraiment très, très, très abîmée. Et du coup, c'était un petit peu, voilà, difficile. Mais bon. Enfin, il chante pas tellement mieux, lui, qu'on a. c'est moi qui choisis la version, donc j'assume. Laurent Vallière, 42e rue, France Musique. Vous m'avez dit, Laurent Lafitte, que dans votre playlist, dans vos playlists de votre téléphone, Vous avez une playlist avec que des ouvertures de comédies musicales. Alors ça, expliquez-moi. Oui, parce que j'adore les orchestrations. Et les ouvertures, c'est quand on aime les orchestrations, c'est bien parce qu'on a quasiment tous les thèmes qui sont... Ça se fait plus trop, je crois. D'ailleurs, je trouve que c'est un peu ringard maintenant, mais on a tous les thèmes qui vont être développés dans le spectacle. Donc, généralement, ils sont orchestrés différemment et dans des tempis différents que pendant le spectacle. Donc, je trouve ça, j'aime bien ça. Ouais. Ouais. C'est drôle parce que pour le coup, c'est pas du tout raccord avec l'image un peu. Féroce de ouais. Leroy Lafitte qu'on a de vous voir écouter des ouvertures de comédie musicale qui sont parfois, on va dire, Ouais, mais c'est un peu mélo, un peu mélo, ouais, exactement. Un peu wedding cake. C'est drôle. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais j'aime bien ça, moi. J'aime bien quand c'est très, très orchestré, quoi. J'aime bien ouais, j'aime bien ça, pardon. Mais j'aime bien ça. Et vous écoutez ça à quel moment? Dans le métro? Non, j'écoute. Entre deux prises sur un tournage? Non, j'écoute pas ça souvent, mais j'aime bien ça. J'aime bien aussi les intermezzo, si vous voulez tout savoir. Alors, vous allez me dire si par exemple, si on peut parler du morceau que vous avez choisi, Procession of the White Elephant. Oui, alors là, c'est pas une ouverture. Non, c'est pas une ouverture, mais c'est orchestral. C'est un vrai numéro, mais c'est orchestral, oui. Parce que je trouve ça très très bien orchestré. Voilà, c'est pour ça. Extrait de The King and I, Le Roi et moi, la cinquième comédie musicale de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein. Welcoming Elephant Prince to Bangkok. White Elephant, eh? I've just seen the young prince. Where's the king? I didn't see him in the procession. The king is ill. Down at the ship, seeing that all our boxes were on. Captain Orton must sail with the tide. Mrs. Senna, I did not come only to say goodbye. I come for one who must see you. You must go to him when he heard that you were sailing. he started to write this letter. All day he has been writing. It was very difficult for him, madame. Very difficult. He has commanded that I bring it to you. Parce qu'après, on va voir tout le spectacle. Voilà, on a laissé un peu de dialogue. C'est du théâtre, hein, Laurent Lafitte. Ouais. Le roi et moi, vous l'avez vu, Le roi et moi, de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein. Donc vous avez vu sans spectacle, alors forcément. Oui, oui. Et alors, votre version préférée, c'était laquelle? J'ai vu cette production-là, mais pas avec Donny Murphy, avec Ellen Page. À Londres. À Londres, ouais. Et c'est un spectacle que vous recommandez aux auditeurs qui ne l'ont pas vu? Ah oui, c'est très très beau. Ouais. C'est très très beau. Ben, la production qu'il y a eu au Châtelet l'année dernière, ou il y a deux ans, je ne sais plus, était belle aussi. Ouais. Plus classique, plus lyrique. Mais c'était un beau spectacle. J'en viens à une question toute bête. Je crois que vous êtes, vous avez fait le cours Florent. Vous avez rencontré notamment Guillaume Gallienne. Vous avez été au Conservatoire supérieur d'art dramatique. Et puis vous avez décidé de faire un an d'études à Londres dans une des écoles de comédie musicale. Enfin, c'est pas une école de comédie musicale, d'art dramatique, la Guildford School. Pourquoi vous avez décidé de partir un an à Londres? Ben pour travailler ce répertoire-là que je pouvais pas travailler en France, j'aurais pas pu travailler ce répertoire-là au conservatoire ou dans d'autres écoles. Donc je suis parti dans le pays où ça se faisait, quoi, ou dans le pays qui connaissait le mieux ce répertoire. Concrètement, quelle différence dans l'enseignement alors à Londres par rapport à Paris? Rien à voir. En Angleterre, il y avait une approche beaucoup plus pragmatique du travail, beaucoup moins cérébrale. Beaucoup moins intellectuel, on va dire. C'était même beaucoup plus d'heures de cours, de la danse tous les matins, du chant tous les jours, du théâtre tous les après-midi. On avait des journées de on avait 8 heures de cours par jour. Et c'est pas ça en France? Non, en France c'est différent et c'est très intéressant aussi, mais non, au Conservatoire National c'était pas du tout le même travail, mais on approfondissait beaucoup plus, c'était beaucoup plus du théâtre, le travail sur les auteurs, on approfondissait les textes, les répertoires, c'était passionnant aussi, mais ça n'avait rien à voir. Et moi j'avais vraiment besoin de ces deux formes d'enseignement. Et alors je crois qu'à la fin de chaque trimestre ou de chaque saison dans les écoles d'art dramatique britanniques, il y a un spectacle de fin d'année. Vous avez participé à des spectacles de fin d'année? Oui, effectivement, qui sont d'ailleurs très bien produits. Ils font ça très bien. Comme ce sont des écoles qui coûtent cher là-bas, généralement ils ont les moyens de faire des vrais spectacles pour chaque promo. Et oui, moi j'avais fait She Loves Me et Damn Yankees. She Loves Me, c'est bien la comédie musicale des mêmes auteurs qu'Un violon sur le toit. Absolument. Que vous avez adapté en français en 2010, si oui, je ne me trompe pas. J'ai adapté ça en français avec Judith Elzen. Et on a mis du temps, mais on a réussi à le monter avec orchestre au Théâtre de Paris, avec Admirade. Et vous incarniez qui? J'incarnais Stephen Kodai, qui est une espèce de c'est une adaptation de La boutique au coin de la rue. Et je fais un des vendeurs de la boutique, très, très prétentieux, très sûr de lui. Voilà, assez détestable. Et nous avons quelques preuves. Aïe. Ce fut grand, mes amis, grand, mes amis, grand, sur tous les plans, jusqu'aux derniers instants, je vous en serai reconnaissant. Laissez-moi, ne pleurez pas, il me faut partir dès à présent. Soyons forts, je vous adore, que ce fut grand, grandement, grand. Ilona, adieu, chérie, courage du cran. Quelle odyssée, je t'en prie, tâche de donner un sens à ta vie, bien entamée. Si la nuit tu pleures tes plaisirs d'antan, fais donc signe à ton chevalier. Comment vous dire? Ah, Cypos, séchez vos pleurs. Allons, l'ami, je vous dois tout. Votre nom reste à jamais gravé dans mon cœur. À point, c'est tout. Embrassez votre charmante femme pour moi. Je ne la connais pas, pas encore. Ça viendra. Puisqu'il me faut partir, je tiens à dire avec enthousiasme que sans sourciller, j'ai essuyé chacun de vos sarcasmes. Ce fut grand, disons-le, et disons-nous qu'aux prochaines retrouvailles, ce sera grand de vous voir tous travailler pour le grand Coda. Pardon. Pardon ? Non, non, j'ai complètement foiré ma dernière note. Mais c'est marrant, je ne chante plus comme ça. Ça, c'était en 2010. On était venu avec les équipes de France Musique au Théâtre de Paris, ouais, juste avant le début des représentations. Thierry Boulanger était la direction musicale. Absolument. Il a fait un travail magnifique de réorchestration, parce qu'il y avait, je crois qu'il n'y avait que 6 musiciens, alors que ça a été écrit pour beaucoup plus. Mais c'est marrant, vous voyez, en réécoutant ça, comme quoi hein, le travail... Là, ma dernière note qui est ratée, je sais pourquoi maintenant, parce que je l'attaque tout de suite en voix pleine, au lieu d'aller la chercher d'abord dans une voix de falsetto, dans une voix mixte, au lieu d'essayer de sauter tout de suite sur de la poitrine, et après de mettre de l'appui dedans, et là l'élargir et la rendre pleine et la belleter un peu. Et là je saute dessus, c'est pas bien, parce que c'était pas bien. Ça veut dire quoi, que vous continuez à prendre des cours de chant? Je continue à travailler, ouais, bien sûr. Ouais. Vous avez dit dans une interview, chanter me donne la sensation d'être à poil, ça n'a rien à voir avec le jeu pur, ça veut dire quoi? Oui, ça me rend très vulnérable, moi, le chant. J'ai énormément le trac quand je chante, alors que quand je joue, à part les premières représentations ou le premier jour de tournage, j'ai pas le trac. Je pense que c'est très psychologique, c'est un truc de légitimité aussi, parce que je suis venu au chant tard. Donc je pense que c'est très psychologique. Et je me suis pas mal libéré de ça maintenant. Comment? Justement en pratiquant régulièrement En pratiquant, oui, et puis oui, en pratiquant, ouais. Et en étant très objectif et pragmatique sur mon travail. C'est un bon souvenir, ce spectacle, Rendez-vous, donc l'adaptation au Théâtre de Paris. Ouais, c'est mitigé. Quand je réentends l'adaptation, je la trouve un peu faible au niveau prosodique. Je trouve qu'on a, c'est un peu, ouais, ça sonne pas très bien quand même. Je trouve qu'on a vraiment respecté le texte original, mais peut-être trop. Et du coup, musicalement, je trouve que ça accroche un peu. C'était un très beau spectacle. On a mis 10 ans à le monter parce que ça coûte cher. On était 22. C'est beaucoup pour un théâtre parisien. Ça a pas très bien marché. C'était assez décevant. On faisait des belles fins de semaine, mais ça a pas très bien marché. Alors que c'était vraiment un joli spectacle, vraiment. Ça vous a donné envie de recommencer ou du coup ça vous a un petit peu rendu frileux? Ah non, au contraire. Non, j'ai vraiment envie d'en refaire une un jour. Ouais. Ouais, non, j'ai très envie. Avec des titres en tête de comédie musicale? Il y en a plein que j'aime beaucoup. Après, il faut qu'elle soit très théâtrale, quoi. Faut pas, enfin, théâtrale, pas dans le sens grandiloquent, mais dans le sens au niveau de l'écriture et au niveau dramaturgique, il y a vraiment des choses fortes. Alors, dans votre sélection de disques avec laquelle vous êtes venu, Laurent Lafitte, ce matin, sur la 42e rue de France Musique, il y a toute une pile d'œuvres de Stephen Sondheim. Je pense que là, on peut parler de théâtre. Ah, bah, complètement. Ouais. Alors, par exemple, Giants in the Sky, ouais, une chanson extraite de Into the Woods de Stephen Sondheim. Mm-hmm. Oui, j'adore Into the Woods parce qu'il y a quelque chose de. Il y a quelque chose de qui touche évidemment à l'enfance, qui touche à quelque chose de très intime et c'est, oui c'est un très très c'est une très belle œuvre, c'est très beau. Giants in the Sky c'est très métaphorique, on peut y mettre plein de choses, donc c'est une chanson que vous avez travaillée par exemple? Oui, je l'ai travaillée. Ouais, c'est un bon exercice. Ah oui, ouais, non, c'est super. There are giants in the sky. There are big, tall, terrible giants in the sky. When you're way up high and you look below at the world you've left and the things you know, little more than a glance is enough to show you just how small you are. When you're way up high, you're on your own in a world like none that you've ever known. And the sky's like lead and the earth's like stone. You're free to do whatever pleases you, exploring things you'd never dare, 'cause you don't care when suddenly there's a big, tall, terrible giant at the door. A big, tall, terrible lady giant sweeping the floor. And she gives you food and she gives you rest, and she draws you close to her giant breast, and you know things now that you never knew before. Not till the sky. Only just when you've made a friend and all, and you know she's big but you don't feel small, someone bigger than her comes along the hall to swallow you for lunch. And your heart is lead and your stomach's stone, and you're really scared being all alone. And it's then that you miss all the things you've known, and the world you've left in the middle you own. The fun is done, you steal what you can and run, and you scramble down and you look below, and the world you know begins to groan. The roof, the house, and your mother at the door. And a world you never thought to explore. And you think of all of the things you've seen, and you wish that you could live in between. But you're back again, only different than before. After the sky, there are giants in the sky. There are big, tall, terrible, awesome, scary, wonderful giants in the sky. Mandy Patinkin en 1990 en concert, Giants in the Sky. 42e rue sur France Musique, Laurent Vallière. Avec Laurent Lafitte en direct ce matin, c'est une carrière comme Mandy Patinkin, comme celle de Mandy Patinkin, qui vous ferait plaisir, Laurent Lafitte. On sait qu'il est à la fois acteur, chanteur, on le voit dans des séries télévisées. C'est un rêve d'avoir une sorte de capacité pour un acteur, d'avoir tous ces talents-là possibles. Oui, moi j'aime bien quand on... je m'ennuie vite, quoi. Donc j'aime bien faire des choses très très différentes. Et j'ai la chance de le faire en tant que comédien. Il manque un petit peu de chant dans ma carrière. J'aimerais bien... comme j'ai une passion pour la voix, j'aimerais bien que ça fasse un peu plus partie de ma carrière, un petit peu. Alors comment on fait pour ça? On fait des appels du pied ou on attend que ça? Non, parce que il faut trouver le bon angle. Je veux pas être l'acteur qui d'un coup se met à chanter. Je veux rester il faut que ça reste du théâtre, il faut que ça reste de la fiction, parce que c'est ça qui m'intéresse. Moi j'aime raconter des histoires, donc il faut que ça reste dans ce cadre-là. Et c'est pas évident. J'y réfléchis souvent à quelle forme ça peut prendre. Bon, il y a quelques pas de danse, quelques notes que vous interprétez dans Roméo et Juliette, il me semble, à la Comédie française. Oui, on danse un petit peu à un moment donné, ouais. Ouais. Ouais, avec Jérémy Lopez qui joue Roméo et Pierre-Louis Calix qui joue Mercutio, on a un petit trio, ouais. On sautille un peu. En attendant plus. Ouais, voilà. Il y a aussi des cabarets que proposait la Comédie française. Il est magnifique, le cabaret Interlope. Oui, le cabaret Interlope de Serge Bagdasarian, là, oui. Qui était sublime. Ouais, c'était un très beau spectacle. Mais vous attendez quoi? Les cabarets Brassens, les cabarets. Bah oui, non, après, il faut. Je peux pas tout faire en même temps, disons. Je peux faire plein de choses différentes, mais pas complètement en même temps. Alors, autre choix, toujours dans les œuvres de Stephen Sondheim, un extrait d'une comédie musicale qui s'intitule Company. Je vous verrai bien, pour le coup, dans le rôle de Bobby. De Bobby Robert, ouais, moi aussi, ce célibataire. Je me verrais très bien dans Bobby. Ouais. Pourquoi? Bah parce que c'est un rôle génial. J'ai vu la production de. Alors, je peux lancer un appel? Oui, j'ai vu une captation de la mise en scène de Sam Mendes de Company au Donmar Warehouse, qui est je ne sais plus quand c'était, dans les années fin 80, fin 90, je pense. 96, ouais, 96, je crois. Voilà. J'ai vu cette captation et elle est introuvable. Je ne sais pas où la trouver. Je ne sais pas si elle existe en DVD. Oui, ça existe en DVD. Elle existe en DVD, ouais, la captation. Ouais. Ah bon, bah c'est bon. C'est... Alors, bon bah voilà, j'ai bien fait de lancer l'appel. D'accord. Qu'est-ce réglé. Qui vous plaît dans cette comédie musicale Company et dans ce rôle de Bobby alors? Bah, ce qui est génial, c'est que bon là, je vais commencer à être un peu vieux pour Bobby, mais c'est un trentenaire qui est un célibataire endurci, quoi, et qui vit son célibat comme une chance, comme une liberté. Et plus il va vieillir, plus il va voir ses amis autour de lui se marier ou pas réussir à se marier, comme on va le voir avec le titre là que j'ai choisi, ou ceux qui font semblant d'être heureux, ou ceux qui, ou les plus âgés qui sont amers. Il va se rendre compte qu'en fait. But alone is alone, not alive. Mm-hmm. Qui est le grand constat qui va faire pendant toute cette œuvre. On est vivant, on est libre, c'est bien, mais que tout seul, c'est pas génial. Et je trouve ça très bien raconté dans cette œuvre-là. Il faudrait le faire en français ou en anglais? Alors là, traduire du Sondheim. Bon courage. Ça existe, hein? Stéphane Laporte l'a adapté en français. Ouais, je sais. Ouais. C'est difficile. C'est très difficile. Et il s'en est très bien tiré parce que c'est vraiment pas évident. Getting Married Today. Alors, j'ai choisi, vous avez choisi, on a choisi ensemble, justement, un extrait de cette production à Londres, mise en scène par Sam Mendes avec un acteur noir dans le rôle de Bobby, Adrian Lester. Adrian Lester. Magnifique acteur. Ouais, très bel acteur. Sophie Thompson, Michael Simkis et Liza Sadovi, Getting Married Today, la femme mariée qui va se marier, qui craque au dernier moment. Down the drain and blessed is day in our hearts as it's die, watch me die. My lies are on the axe with the axe. I'll collapse in the axe. Right before you want to take back the cake. Burn the shoes and boil the rice. Look, do you want to tell you when I may be going down with hepatitis? And I think I'm gonna faint. So if you want to see me, can I do it happily? Wouldn't it be funny? And go watch a few rolls. Take about a 27 dinner plates, 37 by night, 47 paper weights, 57 candle holders. One more thing. I am not getting married. But I'm not getting married. Still, I'm not getting married. Getting Married Today, la chanson inchantable de la femme mariée, futurement mariée, bientôt mariée, qui fait une crise de nerfs juste à l'église. Ouais. Mais c'est beau comment ça alterne entre l'intérieur de l'église où tout le monde l'attend et tout le cœur qui chante et elle qui pète un câble, c'est bien. Dans votre liste, Laurent Lafitte, j'ai été surpris, vous avez choisi une chanson de Rent, peu connue. C'est le moment où un des héros gays, dans la deuxième acte, pleure son amant mort du sida. Mm-hmm. I cover. Ouais, je trouve ça très très beau, pour deux raisons. Déjà, le thème, cette œuvre est particulière, c'est une adaptation de la Bohème. C'est très très beau, ça parle d'une époque, notamment à Broadway, qui a été particulièrement décimée par le sida. Je crois qu'il y a même certains spectacles qui certains soirs ne pouvaient plus jouer. Tellement les gens étaient malades. Et voilà. Et en plus, c'est une reprise. Et j'aime beaucoup dans les spectacles quand il y a une reprise, quand un thème est repris par un autre personnage à un moment différent de l'histoire et il résonne avec la première fois. On l'a entendu. Je trouve ça très beau. Live in my house. I'll be your shelter. Just pay me back with 1,000 kisses. Be my lover and I'll cover you. Yeah. Open your door, I'll be your tenant. Don't got much baggage to lay at your feet, but sweet kisses I've got to spare. I'll be there and I'll cover you. Oh, I think they meant it when they said you can't buy love. Now I know you can rent it. A new lease, you were my love. On life, oh my life, I've longed to discover something as true as this is, yeah. So with a thousand sweet kisses, if we won't fold and go lonely, si vous voulez bien, Laurent Lafitte, j'avais envie de terminer ce 42e rue auquel vous vous êtes très gentiment prêté en direct ce dimanche matin par vous. Vous, dans une comédie musicale, peut-être que c'est aussi un autre appel du pied. Rappelons-nous, c'était le 21 juin 2015 sur la 42e rue de France Musique. I spend my life accounting with figures and such. To what is my life amounting? It figures not much. I have a secret desire hiding deep in my soul. It sets my heart afire to see me in this role. Producer with a hit show on Broadway. I want a beer producer, lunch at Saudi's every day. I want to be a producer, sport a top hat and a cane. I want to be a producer and drive those chorus girls insane. I want to be a producer and sleep until 2:30. I want to be a producer and say you, not you. I want to be a producer, wear a tux on opening night. I want to be a producer and see my name, Leo Bloom, in lights. Wants to be a producer of a great big Broadway smash. Said it, girls. He wants to be a producer. Every pocket stuffed with cash. Don't forget the balcony. He wants to be a producer. Pinch your cheeks till we cry. Ooh. Oh. Yes. He wants to be a producer with a great big casting cash. I wanna be. He wants to be. I wanna be. He wants to be. I wanna be the greatest, grandest, and most fabulous producer in the world. Shows that thrill and thrill 'em. Read my name in Winchell's column. I wanna be a producer, 'cause it's everything. I'm not very, very, very, very, very, very, very, very. Laurent Lafitte, ça vous fait quoi de vous réentendre là encore une fois? Je vous ai super exigeant, vous vous écoutez. Alors vous, voilà, vous êtes très expressif du regard, on le sait, tous les spectateurs le savent. Et voilà, c'est très. On voit certains. Je vois ce qu'il faut faire mieux, ouais. Je vois j'entends. Ça, c'est une comédie musicale, c'est extrait d'une comédie musicale de Mel Brooks, inspirée du film Les Producteurs. Qui est génial, qui est drôlissime. Et pourquoi vous la chantiez ce jour-là, sur c'est la 42 émo? C'était un appel du pied, un autre Non, moi, je fais pas d'appel du pied, je me fais plaisir. Et puis, c'est un spectacle que j'aime beaucoup. Ouais. Merci beaucoup Laurent Lafitte. Merci à vous. On vous retrouve à partir du 7 décembre dans Papa ou Maman 2, le film de Martin Bourboulon, à la Comédie Française dès 14h, Roméo et Juliette. Ouais. Et puis à partir de février dans La Règle du Jeu. Rendez-vous sur francemusique.fr pour podcaster, réécouter et nous écrire. Le prochain cabaret 42e rue, c'est le 11 décembre avec Les Coquettes. La 42e rue, Frédéric Potry, Jean-Paul Lafavergès, Thomas Bizot, Martine Moni, Fabien Flora, Laurent Vallière. Très bon dimanche à tous. Merci Laurent Lafitte. Merci Laurent Vallière. Rideau.